girl. You got me pussy like you, Maria. Sexy lady, be my baby. Got me crazy, honey, baby. Se siente caliente. Te quiero ver. Se siente caliente. Tú y yo, bebé. Se siente caliente. Te quiero ver. Se siente caliente. Tú y yo, bebé. Mírala cómo se siente. Ay, que se siente caliente. Mírala cómo se siente. Ay, que se siente caliente. La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar. Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar. Vamos a tomar de tequila, esta noche vamos a lumbiar. After Job avec Francky l'après-midi. Eh ouais, l'après-midi, on est heureux de vous retrouver 17h-19h avec le rayon sous le sol hein, qui est caché aujourd'hui, mais demain il devrait faire à peu près beau, un mélange de nuages et de soleil. Les températures de 13 degrés, on va dépasser les 26-27 degrés, donc demain ça va pas de pluie au programme, mais on annonce quand même un été caniculaire. Et puis on aura sûrement des témoignages de vous qui étiez du côté de Brissy, où des entraînements aériens ont eu lieu pour justement le défilé du 14 juillet. On aura quelques petits témoignages au téléphone, et puis on aura aussi un invité d'honneur vers 18h20-18h30. Il a fait le tour de la planète, c'est Virgile Voisard. Vous allez voir, un homme extraordinaire. Il est passé dans tous les magazines People. Il est star, c'est une star. Il a tenté l'aventure. Et bien, on sera avec le téléphone aux alentours de 18h20-18h30. Du son qui arrive avec le meilleur des souvenirs. Et puis là, je pense à tous les anciens, forcément, qui ont dansé le Madison à l'époque, quand on dansait encore en boîte. Et ouais, voici Lips et le Funky Town 1983. Thank you. 17h11, salut la famille. After Job avec Francky l'après-midi. Ah ouais, l'après-midi jusqu'à 19h. Angélique est là qui nous dit salut Francky, je suis en train de t'écouter. Edouard aussi, salut Francky, belle journée. Pierre, comment il s'appelle lui, Pierrick Foot aussi qui nous salue. Salut la famille, voici Kenji et Mi Amor. Vous êtes bien sûr Dark en ciel jusqu'à 19h. On est heureux de vous retrouver avec Kenji à Girac, les filles. Eh ouais, je vous le sers sur un plateau. Bébé, j'ai posé mon repas. J'ai perdu l'appétit depuis longtemps. Depuis que tu m'as laissé. J'avoue que je me suis comporté comme un lossin. Tu avais raison, j'étais un mentiroso. J'ai changé depuis, est-ce que tu le ressens? Oh, oh, oh. Pour toi, je briserai tous les remparts. Que dirais-tu d'un dernier encart? Tant pis si les gens disent que je suis ringard. Oh, pour toi, je briserai tous les remparts. Que dirais-tu d'un dernier encart? Je regrette de t'avoir laissé filer. Mia. Sans elle, je ne tiendrai pas. Mi amor, mi amor. Elle est l'unique femme au monde que je voudrais dans mes rêves. Elle est figée dans ma cabeça. Mes amis, je suis dans un sale état. Je suis piqué, l'injection est létale. Je l'ai aperçue, place Gambetta. Elle est figée dans ma cabeça. Mes amis, je suis dans un sale état. Je suis piqué, l'injection est létale. Je l'ai aperçue. Place Gambetta. Mon cœur est plein d'entailles. Pour toi ce n'est qu'un détail. Tes copines refusent que tu me parles. De savoir en couple je m'en remets pas. Et malgré tout l'amour qu'il te porte, est-ce que parfois tu penses à moi? Pense à moi. Pour toi je briserai tous les remparts. Que dirais-tu d'un dernier encart? Tant pis si les gens disent que je suis ringard. Je brise tous les remparts. Que dirais-tu de dernier encore? Je regrette de t'avoir laissé filer. Yeah. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Elle est le bonheur de ma vie. Sans elle, je ne tiendrai pas. Mi amor. Mais j'ai mal, mais t'es loin de moi, t'es trop loin de moi, je ne dors plus la noche. J'adore celle-là. Kenji Girac, mis à mort sur l'arc-en-ciel. Et Kenji qui avait fait un message de soutien pour la nuit. Écoutez, énorme. Salut tout le monde. Voilà, c'était pour vous dire que je viens d'apprendre que les boîtes seront pas ouvertes, les clubs seront pas ouverts cet été. Ben, un petit message de soutien pour tous les patrons. Et voilà, j'espère vraiment que ça va réouvrir pour qu'on puisse faire la fête ensemble parce que c'est très important. Voilà, mais bien évidemment, en ayant au moins des mesures de sécurité, sanitaire. Voilà, si on fait tous un peu pareil. Peut-être que ça va réouvrir très très vite si on prend soin un petit peu de nous, si on prend compte de ce virus qui est quand même très important. Donc voilà, mais en tout cas un petit message pour vous dire force à vous, vraiment on soutient. J'espère que ça va ouvrir encore une fois très bientôt et qu'on oubliera tout ça pour qu'on puisse faire la fête tous ensemble. Voilà, bisous. Je vous embrasse à tous. Merci Kenji pour la radio, ça fait plaisir. Kenji sur Radio Arc-en-Ciel. Voici Lena Cortés. Je décolle, oh, je prends mon vol, besoin de faire. référentiel avec Kekalor. Bah, c'est vrai qu'il fait chaud dans les studios, on est heureux de vous retrouver. Francky au réveil, c'est l'après-midi, 17h, 19h. Ouais, on réveille ceux qui font la sieste en direct à la radio. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis vous qui êtes sur l'Orléanais, peut-être que vous avez vu des avions dans le ciel passer pas loin de Brissy, justement la base aérienne qui s'entraîne pour le 14 juillet. On est avec Bruno au téléphone qui est sapeur-pompier, qui était à Brissy aujourd'hui. Bonjour Bruno. Salut Francky, comment tu vas? Bah super bien, et toi? Super. J'ai passé une bonne petite matinée, comme on en a parlé à Brissy, hein. C'était ouais. Vraiment super. Et là, fallait pas louper le coche, hein, parce que c'était vraiment, on en a pris plein les yeux. Il hein. Y avait quoi? Il y avait des avions, des transals, tout ça, des hélicoptères. Alors, donc ça a commencé par la WAC, l'avion qui a la petite galette au-dessus là, tu vois. Ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. De faire la surveillance. Hein. Avec accompagné de ces mirages derrière hein, qui suivaient. Ouais. Et donc tout ça groupé hein, parce que attention hein, ils n'ont pas le droit à l'erreur hein, ils doivent se suivre à quelques mètres hein. Nous on les voit de loin mais ils sont pas loin l'un de l'autre hein, quand ils sont en hauteur comme ça. Ouais. Ensuite donc on avait des Falcons, le Falcon hein, le petit avion là qui suivait derrière. Mmh. Et il y avait également le VA-400M hein, qui est connu maintenant hein, sur la plateforme mmh. ici. Son ancien, le Transal. Hein, le Transal, ouais, le vieux Transal. Le Transal, voilà. Et il y avait aussi la sécurité civile avec les bombardiers d'eau, là, ce qu'on appelle les bombardiers d'eau chez nous, chez les pompiers. C'est sympa. Canadair, c'est le Canadair. Le Canadair et puis le Tracker, hein, voilà. Bon, en tout cas, t'en as pris plein les yeux, quoi, je veux dire, c'est ça. Oh, j'en ai pris plein les yeux, j'ai fait des belles photos même. Voilà. Ah super, ouais, voilà. Tu nous enverras des photos? Il n'y a pas de souci, je t'enverrai des photos, Francky, il n'y a pas de problème. Eh bien merci pour ce beau témoignage, Bruno, sapeur-pompier, dans le nord d'Orléans, c'est ça, à Saran. Nord d'Orléans, ouais. C'est bien ça, au nord d'Orléans, ouais. On les salue d'ailleurs, nos amis les pompiers du nord. C'est sympa, Francky. Merci à toi, belle journée. Merci, salut Francky, bonne soirée à toi, merci. Salut, bonne journée, bonne fin d'après-midi, plutôt sur l'arc-en-ciel, 17h20 en direct à la radio. Et puis Amir aussi qui avait un message pour le milieu de la nuit, on en a reçu plein des messages et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Tous les clubs et boîtes de nuit de France, un message de soutien dans cette période difficile que vous traversez. J'espère que le monde de la musique et le monde de la nuit vont très très très vite retourner à être ce qu'ils étaient pour qu'on puisse tous faire la fête. Eh ouais, on va faire la fête. Merci Amir. Les clubs et boîtes de nuit de France. Hein, merci mon pote Amir. Eh, ça fait plaisir d'avoir des messages de soutien comme ça, des people un peu. C'est vrai qu'ils ont besoin de nous. Hein. On est avec vous aussi Amir. J'ai cherché. Eh ouais, on a cherché avec vous qui nous écoutez. Salut à Stéphanie du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky. Merci pour Amir. Ça fait plaisir de l'entendre sa belle voix. Eh ouais, on est en direct jusqu'à 19h. Yeah. Sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. We'll be right back. l'arc-en-ciel, 17h24, le meilleur des souvenirs avec J'ai cherché. Je crois que c'est en 2017 à l'Eurovision, il est arrivé 7ème quand même avec ça. J'ai cherché, bah on a cherché la météo pour demain tout de suite. La météo. La météo demain, le soleil sera bien là avec quelques nuages quand même. Les températures sont plutôt pas mal, hein. Au lever du jour, 13 degrés. On va dépasser les 25-26 degrés. Mélange de soleil et de nuages. Heureux d'être avec vous, l'artiste qui arrive avec chaud, chaud, chaud. Bah oui, c'est chaud, c'est chocolat. Vas-y, sur un arc-en-ciel, un peu de douceur. Le 4 heures peut-être pour vous avec l'artiste Baby. Chocolat. Dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors on va où? On fait quoi? On s'enfuit loin d'ici, on y va. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, chocolat, chaud, chaud, chaud, chaud, chocolat, chaud, chaud, chaud, chocolat, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, s'en va sans pour autant tout fou prend l'air. Une voix me dit non, n'y va pas. D'un côté j'ai peur de me tromper sur lui, mais d'un autre je sais qu'il m'a conquis. Bon, on y va. Si ça ne va pas, je m'en mordrai les doigts. Sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, chocolat, chaud, chaud, chaud, chocolat, chaud, chaud, chaud, chocolat, chaud, chaud, chaud, chocolat, chaud, chaud, chaud, chocolat. C'est comment tu es, assassiné, sexy raffiné, comme dans les films au ciné. Ce gars m'a tué, assassiné, oui j'ai succombé, comme dans les films au ciné. Chaud, chaud, chaud, chocolat. Chichi, chouchou, chocolat, sur la plage bientôt peut-être pour vous, hein, le départ en vacances, ça y est, demain le 1er juillet, et les premiers départs, j'ai des potes, hein, qui sont déjà sur la route, là, on va les saluer du côté de Bordeaux, du côté du Cap d'Agde aussi, on nous écoute sur le net, Radio Arc-en-Ciel Orléans, merci d'être à 96.2 FM, ça me fait plaisir, Angélique qui est là, Mathieu qui est là, il y a du monde sur la radio couleur, eh ouais, en direct. Pour être mon invité, contactez-moi 02 38 43 48 00. Ouais, si vous voulez être mon invité, 02 38 43 48 00. Justement, en parlant d'invité, il sera là dans moins d'une heure. C'est Virgile Voisard, il a parcouru 27 000 km. C'est une bête. Il a dit, je voulais voir le plus de nature possible. Mais il va nous en parler à l'antenne à 18h30 à peu près. Virgile Voisard, exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Écoutez, voici Dana Kill. No fear, 'cause you're right on here. I will be there. Tell them what you got to say, Donna Kill. Tell them. No, no way. Rien de rien. No, no way, like I would say. No, je ne regrette rien. Yeah, you gotta have no fret, y'all. Ni le bien qu'on m'a fait. Have no regrets. Ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. No. yeah. Chantons tout fret. Oubliez, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, baby, j'ai allumé le feu. Wow. Mes chagrins, mes plaisirs, yeah, c'est la nuit, ouais. Je n'ai plus besoin de balayer les amours. Yeah. Avec leur trémolo. Each and every day, now come with Chili. Balayer pour toujours. Swinging right along the way. Je repars à zéro. I have no regrets, I love you, baby. No, rien de rien. I will be there for you. No, je ne regrette rien. Whenever you call tonight, I tell you. Ni le bien. Yeah, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Don't fret, y'all. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies. Each and every day. Aujourd'hui, right along, ça commence. Trust in me, and I'll be trusting you. And that's exactly how I know it's gonna be, baby. You I love the most, and of course I will tell you. But I have no regrets for loving you. Cause I see that you're interested in me, baby. And I always put my interest in you, yeah. Yeah, what I see is I never make you blue, never turn my back on you. Never, never do that in any way. I will tell you, say no regrets. I may say no, no regrets. I say that, I say it over and over and over again. Yeah. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. 17h30 minutes, c'est Francky dans la radio. Salut la famille. After Job avec Francky l'après-midi. Ouais, l'après-midi. Et puis, si vous n'avez pas encore ce tube dans votre répertoire, dans votre iPod, dans votre Walkman à l'ancienne, eh bien, il va falloir le télécharger rapidement, légalement, bien sûr. Voici le remix de Radio Arc-en-Ciel. C'est Jérusalem. Et vous allez adorer. Franchement, vous allez kiffer ce remix. Radio Franciel, 17h31 minutes. Voici le son de l'été qui est déjà à la radio. Y lo sé, tú manishila.

passe à Laro Pazzini, la solitude. Nathalie qui nous écoute en faisant la cuisine, voilà, ça fait du bien, un peu de solitude, direction l'Italie. Et puis, dédicace encore à tous nos personnels de l'hôpital, voilà. Et puis, on pense aussi très fort à toutes les personnes qui sont encore malades, malheureusement. Un petit message de monsieur Agostino Montero, voilà, on le salue, salut Agostino. On souhaite une belle journée, Agostino, on te fait plein de bisous. Voici Maluma, Latina, Felices Los Cuatro. On aura Maître Gims qui a une dédicace pour la radio. Y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los patos. Lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Cantemos el cuarto. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. Hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los patos. Hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y siempre que se va regresa a mí, Maluma baby. No importa el que dirán, no gusta el sí. Que viene DJ, sale ingenio. Y siempre que se va. 17h43, el Rayos del Sol avec Maluma Baby, Felices Los Cuatro. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Et beaucoup d'artistes qui défendent la nuit en ce moment, notamment Maître Gims qui a un message pour nous. Écoutez. Salut, c'est Gims. Voilà, c'est un message. Ce message, il est pour tous les patrons de clubs, les boîtes de nuit, les discothèques, le monde de la nuit. Voilà, j'ai entendu dire que il n'y aura pas d'ouverture pour cet été. Donc, moi qui ai tourné dans quasi tous les clubs de France et tout, qui ai rencontré énormément de patrons, voilà, je pense à tout ce que ça va engendrer, quoi. Au niveau du personnel, les gens qui bossent, que ce soit la sécu, serveur, DJ, tout. Voilà, grosse pensée pour tout le monde. Et voilà, je partage votre sentiment d'injustice quand on voit que voilà, il y a plein de trucs qui. La vie, elle a repris un peu son cours. Donc voilà, on reste fort, on reste patient et on reste fort. Merci Maître Gims pour la radio arc-en-ciel. Encore une plaisir. À me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé.

corps au vent de la nuit, ferme les yeux et comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sympa ce petit duo avec Tony Carrera, ça change le garou. Tony Carrera avec Salen, bien sous le vent peut-être vous, dans la voiture, 17h51 minutes. Et puis Kevin V qui arrive avec son nouveau single Tahiti qui cartonne. Et puis Kevin qui a un message pour le monde de la nuit aussi, ça fait vraiment plaisir. Les amis, je voulais juste faire un petit message pour faire entendre une voix qu'on entend peu, voire pas du tout, c'est la voix des discothèques. Parce que l'État parle de tout. Des restaurants, des bars, des campings, tout. Et c'est très bien, moi je suis très heureux que tout réouvre parce que j'ai envie que tout le monde soit bien. Mais on oublie les discothèques. Pourtant les discothèques sont un lien social très important, à mes yeux en tout cas. C'est là où on va oublier notre semaine quand on va pas bien. C'est là où on va profiter de moments joyeux comme les anniversaires, des fêtes, juste des moments de partage. Mais je pense qu'il est nécessaire de ne pas les oublier. S'il vous plaît, faites un geste pour les discothèques. Merci. Absolument. Kevin Kinvey qui a fait un petit message pour la radio et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bah tiens, pour la peine, on va s'écouper son nouveau single qui s'appelle Tahiti. Voici le nouveau Kinvey sur Radar en Ciel. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete et Tahiti. Je vous demanderai de bien vouloir remonter votre cachet blanc. Je suis le commandant Kinvey. Bienvenue à Nantes. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y vais ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y vais ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y vais ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y vais ma meilleure vie. J'ai pris mes petit coin de verre, sûrement un des plus beaux lieux de l'univers. Pouvoir me baigner dans ce beau lagon. Un jour j'irai, un jour j'irai. Oui, au soleil tout me semblera bon. Un jour j'irai, alors viens avec moi. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti. d'Arc-en-Ciel, le tout nouveau Kinvé, et on adore déjà. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, et puis il sera au téléphone avec nous tout à l'heure. Il a fait la une de tous les magazines en ce moment. Il s'appelle Virgile Boisard. Il a parcouru 27 000 km en 2 ans et demi pour un défi baptisé de American Hike. Il voulait simplement voir de la nature et il sera avec nous au téléphone à 18h30 précise. Virgile Boisard, ne ratez pas l'interview. Ça va être du très très lourd et puis des bons souvenirs. Et ouais, alors on n'est pas fan de Jul à la radio, mais celui-là on aime bien avec Kenza Farah. Voici Problème, Jul et Kenza Farah, et on aime bien. C'est toi qui cherches les problèmes, pourquoi vous revenez à 10? C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Dans 58 minutes. Salut Jérôme qui m'écoute sur le 96 de FM. After Job avec Francky l'après-midi. Il y a un message qui me fait rire, il me dit Jérôme, t'as la même voix que le mec à énergie. Ben, peut-être, ça se trouve. Un peu de douceur pour les filles, vous qui nous écoutez, qui sortez du boulot ce soir à 17h59. Pour Gaël qui est du côté de Loury, tiens, avec un magnifique temps. Loury, quelle belle ville. Voici forcément ce titre va vous rappeler des souvenirs, les filles. Love Me Like You Do, c'est Ellie Goulding, la version qu'ils ont bas. On est en direct. 96 de FM, merci d'être avec nous. Et Virgile Boisard sera notre invité radio à 18h30. Il a parcouru 27 000 km. Il a fait le tour des magazines en France et sur la planète. Il sera avec nous au téléphone à 18h30. Un peu de douceur. À coup de fouet, voici Ellie Goulding. Love Me Like You Do. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. You're the fear. J'adore le film. Ouais, 51 degrés. Love me like you do. Radio Arc-en-Ciel, 18h03 en direct jusqu'à 19h. Ça me fait vraiment plaisir. La météo pour demain, bah, le ciel sera à peu près pareil. On vous en parle tout de suite. La météo. La météo pour demain. Et demain, 1er juillet. Alors déjà, des départs en vacances, certainement. Le ciel sera couvert, nuageux et ensoleillé. Ça va être mitigé. Les températures au lever du jour, 13 degrés. Et on va quand même dépasser les 25, 26 degrés. Voilà, en parlant justement de vacances, le meilleur des souvenirs, forcément, ça va vous rappeler de très bons moments. J'ai fait un petit remix qui s'appelle « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» Ouais, remixé par Francky. Voici David et Jonathan pour le meilleur des souvenirs version 2020. Est-ce que tu viens pour les vacances? Je sais pas, je vais voir. En tout cas, on vous souhaite une bonne début de soirée. 18h04. Écoute, c'est pour vous de côté de la radio, pour Estelle qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, merci de nous faire kiffer comme ça avec ta voix qu'on adore. Ah putain, je sais pas ce qu'elle a ma voix. 18h04, David et Jotan, le remix de Radio Arc-en-Ciel par Francky. Excuse me.

8h08, 10 exactement sur l'arc-en-ciel avec du son caliente. Et vous connaissez Jérusalem, ouais, Master 4G qui cartonne en ce moment. Et bien voici le nouveau single exclusivité Radio Arc-en-Ciel, vous allez encore adorer. Coucou à Steph qui est du côté de Saint-Jean de la Ruelle. Salut Francky, merci pour ce son. Arc-en-ciel 96.2 FM, 18h14, et là vous adorez déjà Master 4G. Vous savez, il a déjà fait le Jérusalem, il revient avec ça. Et que des tubes, en tout cas ça sent bon l'été, ça sent bon les vacances, peut-être pour vous, on est heureux de vous retrouver. On est en direct à la radio, c'est Francky, ciao la famille, hop. Gonna get to your heart. There's no escape from love. 18h16, là vous êtes en voiture, vous dites mais c'était quoi déjà ça? Bah oui, la bande originale du film Coyote Girl, Leanne Rimes, Can Fight the Moonlight sur l'arc-en-ciel. C'était en 2000, on aimerait bien retourner en 2000 quand même. Hein. Rappelez-vous, on a passé des bonnes années quand même. Ce titre hein, qui était numéro 1 sur la planète, hein, notamment aux États-Unis, en Australie, en Belgique, en Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas. Voilà, la bande originale de Coyote Girl, rappelez-vous, cette jeune étudiante qui revient du travail et qui a trouvé du job dans un bar et a dansé sur le bar comme une Coyote Girl. Heureux d'être là, I feel so bad, ça arrive sur Radio Français, on est heureux, c'est Francky dans la radio. L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Ouais, et puis dans moins de 15 minutes, il arrive avec nous au téléphone, c'est Virgile Boisard. Il a traversé la planète, vous allez voir. C'est un surhumain, c'est un dinosaure de la marche. En moins de 15 minutes, il sera chez nous à la radio en direct. À l'époque, hein. Quand il y avait des boîtes encore, en tout cas on les soutient du fond du cœur. Et puis Black M aussi qui soutient les clubs, écoutez, il a un message pour la radio. Yeah, bonsoir à tous, une petite vidéo de soutien, de gros soutien à tous les patrons de clubs en France. C'est un moment difficile pour eux, effectivement, parce que tout a rouvert, tout ouvre quasiment petit à petit. Et les patrons des clubs, c'est les oubliés de l'histoire. Voilà, grosse force à eux, gros soutien à eux, et merci. À très vite. Mais ça fait plaisir. Black merci Black M, en direct, voici frérot, Black M, 18h20. Les histoires d'amitié, ça fait mal. J'ai vu des frères, ils laissaient leur vie au final. Oui, quand le diable s'en mêle, il dira t'es le seul à pouvoir aller au sommet. J'ai voulu soulager mon ego. Je me répète, je voulais pas faire de mal à mon frérot. On a fait les 400 coups, tout ce qui se passe autour de moi, mes vrais gars s'en foutent. Ensemble depuis tout petit, mon cœur se resserre à l'idée qu'on est devenu ennemi. Les hommes aujourd'hui c'est plus la même, mon ami, je suis devenu un père de famille. Mon ego, pas devant les frérots, je voulais juste un vrai rôle, pas faire du mal à mon frérot. Oh mon ego, dites-le moi si j'en fais trop, devrais-je repartir à zéro, pas faire du mal à mon frérot. Frérot, mon frérot, c'est fou comme les années sont passées. On me dit que ta fille va bientôt rentrer au lycée. Elle doit être trop belle. Connaît-elle notre histoire, nos liens fraternels? Je sais que mes rêves m'ont éloigné, mais pour toucher les étoiles, faut savoir s'envoler. Ça me fait de la peine quand tu penses que j'ai changé pour de l'oseille. Un vrai frère ne doute pas du cœur des frères, surtout quand il se bat pour s'en sortir. Avec tout ce qu'on a traversé, j'espère que la vie a prévu de nous réunir. Mon ego, ego, pas devant les frérots, frérot. Je voulais juste un vrai rôle, frérot. Pas faire du mal à mon frérot, frérot. Oh mon ego, ego, dites-le moi si j'en fais trop, frérot. Devrais-je repartir à zéro, frérot. Pas faire du mal à mon frérot, frérot, frérot. .2 FM avec Black M, frérot, on est tous des frérots en ce moment, on se soutient, qui soutient la nuit aussi, puis on le remercie. Les années 2000, forcément, tout le monde a connu les tragédies, bah oui, on a passé de très très bons moments dans son là-dessus. Voici Sexy pour moi sur Radio Arc-en-Ciel. Les tragédies, quel souvenir, do you remember? Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM, écoute, tragédie. Death, death, yeah. Old vibe, bébé. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Faut que ça slame, ne me déçois pas. Faut que tu bouges et que tu danses. Sur ce son, faut que tu déhanches. Quoi que tu dis, je serai ton homme. Quoi que tu fasses, faut que tu restes en forme. Si tu veux, bouge contre moi. Si ce n'est pas toi, ce sera moi. Baby, danse pour moi. Emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Ma baby, danse pour moi. Emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Faut que ça balance en rythme et en cadence. Faut qu'à chaque fois que j'y pense, ça me mette en transe. Oh, il faut que ça soit chaud. C'est toi qui fais mon show. Je veux que tu danses sexy pour moi. Faut pas que ça bug. Malgré la tendance actuelle, je fais mon best. Oh yeah. Et c'est toi que j'ai choisi. Avec quoi tu tiens? Un nouveau style je te ramène. Un genre nouveau qui te harcèle. Un son nouveau qui te m'appelle. Danse pour moi. Emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Ma baby, danse pour moi. Emmène-moi où tu vas. Quand tu bouges comme cela, tu sais que j'aime trop ça. Faut que ça balance en rythme et en cadence. Faut qu'à chaque fois que j'y pense, ça me mette en transe. Oh, il faut que ça soit chaud. C'est toi qui fais mon show. Je veux que tu danses sexy pour moi. Je sais mon feeling, tu le testes. Mon flow, mon feeling, tu le sais. C'est moi que tu vises. Que tu critiques ou tu méprises ce que je vis. Nous venons du même endroit. Ghetto, je descends tout comme toi. J'ai pu m'en sortir et ce fut une chance. Mais chaque fois que je m'endors encore j'y repense. Oh gogo, danse surtout ne t'arrête pas. Fais comme si je n'existais pas. Bouge tes hanches, fais-le en cadence. Reste toujours dans le bon rythme, il faut que ça balance. Oh gogo, danse dans mon style si t'aimes ça. Fais comme si il n'y avait que toi. Bouge tes hanches, fais-le en cadence. Ça fait oh, oh, oh, oh. Que ça balance en rythme et en cadence. Faut qu'à chaque fois j'y pense, ça me mette en transe. Oh, il faut que ça soit chaud. Ah, j'adore, on kiffe, hein. Radio Arc-en-Ciel. Les tragédies, c'était dans les années 2000. Et Stéphania, ouais, c'est bizarre. Stéphania, c'est qui aussi. Qui me dit j'adore, je kiffe ce titre. Sexy comme vous, les filles, aujourd'hui, peut-être. L'After Job avec Francky. After Job avec Francky, l'après-midi. Eh ouais, l'après-midi. Je suis vraiment bien l'après-midi. On est bien. Alors, le soleil demain sera là. Avec des nuages, hein. On va dépasser les 25-26 degrés, 13 degrés au lever du jour. Donc, demain, tranquille, hein. Pas de couverture encore. Pas de kawaii non plus. Il ne pleuvra pas. Virgil, au hasard, 27 000 km. Il a marché et on l'appelle tout de suite en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Oui, allô? Bonjour, Virgil. J'étais en train de parler de toi. Tu vois, excuse-moi, j'ai numéroté. Et en même temps, j'étais en train de faire la météo. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Franck. Comment tu vas bien, bien? Et toi, ça va? Ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone, Virgile. Ouais, excuse-moi pour l'arrière-fond sonore. Hein. Oh, mais c'est pas grave. Désolé, mais T'inquiète pas. Te dérange pas. Alors, quand même. Ouais, Virgile, t'as fait la une des journaux. J'ai un magazine qui s'appelle L'Équipe sous les yeux. 27 000 kilomètres en 2 ans et demi pour un défi baptisé du American Hike. Je voulais voir de plus de nature possible. Alors ce défi, il y a 2 ans et demi, comment t'es venu l'idée pour rappeler un petit peu aux auditeurs qui nous écoutent, Virgile? Ouais, alors je tiens quand même à préciser parce que bon, c'est effectivement L'Équipe qui a fait ce titre-là. Ouais. Mais 27 000 kilomètres en 2 ans et demi, c'était ce qui avait prévu de base. Ouais. Et puis moi, j'en ai fait 22 115 en 2 ans sur cet objectif de base. Mais bon, ça reste quand même un beau défi. Mmh. Effectivement, comme tu l'as dit, le but c'était vraiment de voir le plus de nature possible, en fait, d'être le plus possible dans des environnements naturels. Dans ces différents pays d'Amérique latine puis d'Amérique du Nord. Mmh. Et voilà, en fait, c'est vraiment le sens de la marche. C'est ça qui permet la marche en autonomie. C'est vraiment se plonger dans un milieu naturel. Ouais, il y a Audrey qui me dit qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Virgile, pour repartir comme ça à pied, seul au monde, comme Tom Hanks, ou alors Cours Forest. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en soi, ça paraît énorme, mais en fait, c'est vraiment pas après pas, quoi. C'est vraiment... un objectif après l'autre. On se dit pas on va marcher 27 000 kilomètres. En fait, on se dit bon bah je vais marcher ma journée, je vais faire 30-40 kilomètres aujourd'hui, voire un peu plus, et puis demain sera un autre jour. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et je pense que c'est pas seulement vrai pour la marche, c'est vraiment vrai dans plein de situations. Il faut se fixer vraiment des objectifs qui sont atteignables, et puis c'est comme ça qu'on avance, quoi. J'ai une belle photo de toi sur L'Équipe magazine là. On s'est croisé samedi soir dans une soirée, en plus le hasard vraiment. Ouais, ça, ouais, ouais. Ça m'a fait plaisir de te voir. Les cheveux ont poussé là sur la photo, ou c'est toi qui as coupé les cheveux? Ouais, non, c'est que je les ai coupés pour le coup. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que de base, bon, pour des raisons d'hygiène, j'étais parti avec les cheveux très courts, et puis ils avaient poussé au fur et à mesure. Mmh. C'est vrai qu'en 2 ans, bon, fallait quand même que je fasse attention à ça. Mais ouais, depuis, je suis revenu à une vie citadine, entre guillemets, et c'est pas forcément contradictoire à mes yeux, parce que le but, c'est aussi de faire vivre ce projet dans la vie de tous les jours, pour le partager, pour partager cette expérience. Bien sûr. Donc les deux, en fait, sont assez cohérents à mes yeux. Il y a Stéphane qui me pose une question, si tu veux bien accepter, une question simple. Ouais. Quelle a été la chose la plus dure pour toi pendant toute cette marche, le jour le plus galère, en gros, voilà, pour résumer la question de Stéphane. Ouais. Bah, il y a eu pas mal de moments galères, hein, autant dans la nature que à cause du facteur humain. Il y a eu aussi, ça a été quand même très très rare. Il y a eu quelques moments qui ont été difficiles quand même. Moi, par exemple, bon, j'étais en grosse hypothermie, on va dire, dans la neige, en Patagonie, donc sud de l'Amérique du Sud. J'ai eu quelques soucis avec des locaux, et puis, en fait, de manière globale, je dirais quand même, ce qui a été le plus difficile à gérer sur la longueur, c'était la solitude, le fait d'être seul, et puis de garder le rythme sur 2 ans, c'est quand même pas facile. C'est quand même, Même en étant habitué, parce qu'on s'habitue forcément, hein, l'esprit s'habitue comme le corps physiquement s'habitue. Mmh, mais c'est vrai que c'est quand même ça la plus grosse difficulté du truc, quoi. C'est sûr. Est-ce qu'en général, les habitants où tu arrivais, t'accueillais bien, ou alors t'étais comme un ovni un peu, quelqu'un qui atterrait comme ouais. ça? Il y avait un peu des deux, en fait. Il y avait un peu les deux côtés, quoi. Ouais. Donc les habitants étaient en général, dans l'énorme majorité des cas, très accueillants. Et j'ai très très bons souvenirs, effectivement. C'est aussi ça le but de la marche, en fait, de sortir un petit peu des sentiers battus, et puis d'aller voir ce qu'on voit pas forcément en tant que touriste, donc d'aller à la rencontre des gens aussi. Mais c'est vrai que en général, j'expliquais pas ce que je faisais, hein. Je disais juste que je voyageais à pied. Mais c'était même pas la peine d'expliquer l'ampleur du truc, quoi. Ils auraient pas compris. Ça aurait été trop long à leur expliquer. Ils auraient dit, mais il est fou, ouais, le mec, voilà. En fait. Et sinon, il m'aurait pris pour un menteur. Ouais, ça se trouve, un mytho qui est en train de se balader, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Jeanne d'Olivet qui me dit, Virgile, quel est aujourd'hui ton plus beau souvenir, ta plus belle joie de vivre sur ce parcours qui est fabuleux? J'ai été sur ton site American Hike. C'est quoi aujourd'hui pour toi? Un des plus beaux, parce que je suppose qu'il y en a eu plusieurs, Virgile. Ouais, pareil que pour les souvenirs difficiles, finalement, il y a plein de moments qui ont vraiment été magnifiques. Et c'est vrai que, bon, j'ai toujours essayé de trouver finalement de la joie, et puis, de la beauté aussi dans ce qui se passe vraiment à l'instant présent. Donc là, je suis revenu en France. C'est vrai, je trouve beaucoup de contentement à être revenu, à retrouver mes proches. Ah, tu vois le confort, mais, là. Hein bah, c'est même pas le confort, finalement. C'est ouais, simplement vivre l'instant présent, même si ça peut sembler un petit peu bateau dit comme ça. Mais après, oui, il y a eu des très, très beaux instants sur ce parcours-là. Je me souviens, par exemple, ma rencontre avec un puma de nuit au Pérou. Ouais. Ça, c'était quand même un moment très fort. Grandiose, ouais. Ouais, dans la nature. Et puis même dans la nature, parfois, on est saisi par l'ampleur des éléments. Et puis, ouais, on est ému jusqu'aux larmes, pratiquement. Et aujourd'hui... Ouais, vas-y, excuse-moi. Là, j'ai tellement de questions à te poser. Non, aujourd'hui, avec tout le quotidien que tu as en France, le petit bobo, le petit moindre truc, ça doit être banal pour toi par rapport à ce que tu as vécu. Ouais, mais on prend aussi un rythme de vie différent, en fait. Donc, c'est... En fait, on a un référentiel qui est différent. Et puis, je veux dire, ce que j'ai fait, c'est pas forcément meilleur que ce que vivent plein de gens tous les jours. C'est simplement que il faut faire ce qu'on fait à fond, quoi. Ouais. Au-delà de se lancer des défis qui paraissent incroyables, même si on fait des choses assez banales, il faut se dire qu'on le fait à fond. Et puis, c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Donc, finalement, moi, je suis pas mécontent d'être revenu à une vie normale parce que ça me permet de me concentrer sur d'autres aspects de ce projet, comme la promotion du film qui va bientôt sortir ou... Voilà, le partage de cette expérience, encore une fois, comme je peux le faire grâce à toi aujourd'hui. Et donc, c'est toujours avec plaisir, quoi. Alors, comment, niveau sécurité, comment on est t'es géré téléphone, niveau aussi pour dormir, pour manger? Est-ce que tu survis ou alors est-ce que t'arrives à trouver des endroits où t'arrives à dormir niveau argent, ça se passe comment? T'achètes quoi, concrètement, aujourd'hui? T'es parti avec quoi, Virgile? Alors, du coup, moi, j'étais en autonomie complète. Donc, ça veut dire que... Je dormais dans ma tente et en gros j'avais ma nourriture dans mon sac. Ouais. Donc ça veut dire que je faisais des étapes de 5-7 jours. Le maximum que j'ai fait c'est 10 jours. Mmh. Et puis donc je buvais l'eau que je trouvais sur place. Donc en général dans des lacs, dans des rivières. Ouais, il fallait mettre des petites capsules peut-être dedans pour la boire, non? Ouais, bah après bon. Fais gaffe, exemple, après la dysenterie et tout. Des pastilles de purification. Oui, ouais. Après c'est effectivement, il faut être prudent par rapport à ça. Mais bon, on acquiert aussi des réflexes. Hein, on s'habitue à. Je pense que l'être humain de manière générale a vraiment une grosse capacité d'adaptation en fait. Bah tu l'as ressenti toi. Hein, tu l'as ressenti ça. Absolument, ouais, absolument. Ouais. Et même en rentrant, je me suis aussi rendu compte que j'étais assez capable de me réhabituer rapidement finalement à un mode de vie plus classique. Alors maintenant, comme t'es sur Orléans, c'est ça, dans les alentours, marcher d'Orléans à Orléans-la-Source, 15 km, ça te dérange pas là? Bah, il y a pas la même motivation quand même. Je préfère prendre le tram, on va dire. Ouais. C'est plus confortable. Côté sécurité, tu étais équipé de quoi? Parce que bon, un peu seul au monde de temps en temps, bah, même si tu voyais pas mal de monde, il y a eu des moments d'isolation. Comment t'en sortir s'il y avait un problème aujourd'hui, Virgile? Alors moi j'avais une balise de détresse. Ouais. En fait c'est un appareil qui est assez simple dans son fonctionnement. C'est juste relié à un réseau satellite. Ouais. C'est pas un téléphone satellitaire, donc ça permet que d'une seule chose en fait, c'est juste prévenir les secours en cas de en cas d'urgence extrême. J'appuie sur un bouton et les secours sont prévenus. Ah, d'accord. Après, ils ont un dossier avec mon nom, avec un numéro de téléphone, etc. Donc, ils peuvent prévenir aussi mes proches. Ouais, tes proches. Mais ouais. Voilà, c'était ma sécurité quand même, sachant que oui, bien évidemment, j'étais pas connecté dans la nature. J'avais aucun moyen de parler au monde extérieur. Mais ça me permettait aussi de vivre mieux l'instant présent, on va dire, avec les gens qui m'entouraient. Et puis, dans la nature que je traversais, c'était aussi ça l'intérêt. Ouais, comment l'a vécu ta famille autour, bah, si t'es marié, t'es marié, Virgile, non? Des enfants, peut-être? Marié, non. Avec une amie, peut-être, encore, ouais. Non. Ouais. Comment a vécu ta famille, tout ça, Alors, bah, ouais, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, ils l'ont plutôt bien vécu. Parce que, la première fois que j'étais parti, c'était en Nouvelle-Zélande, pour faire 3000 kilomètres en 4 mois à travers la Nouvelle-Zélande, c'était en 2015, ça. Ouais. Donc au final, bon, ça a été un peu un choc quand je leur ai annoncé parce que c'est d'une toute autre ampleur. Mais comment dire, ils étaient habitués, ils savaient finalement que j'étais quand même, j'étais pas un inconscient quand je me jetais dans quelque chose comme ça d'un seul coup. Je savais ce que je faisais, quoi. J'avais une certaine expérience, même s'il faut toujours faire preuve d'humilité, bien évidemment, dans la nature. Mais je pense que le maître mot, en fait, c'est la confiance. C'est, s'il n'y a pas de confiance, effectivement, ça leur aurait pourri la vie. Et je pense que j'aurais pas été capable de partir si j'avais pas eu leur soutien. On sait que ton temps il est court aujourd'hui parce que tu bosses en même temps. Bah oui, il faut travailler. On va te poser une dernière question. Alors la suite, ça se passe comment? Il y a un nouveau départ, Virgile, pour finaliser. Alors, ouais, la boucle. À la base, la reprise de la marche, donc pour finir les 5000 km qui me restent jusqu'à l'océan Arctique, était prévue en juillet 2020, ce mois-ci là. Ouais. Et donc bien évidemment avec la situation du COVID. Internationale avec le Covid, c'est pas possible. Donc a priori c'est remis à juillet 2021, donc il me faudrait 5-6 mois pour faire les 5000 km qui me restent. Mmh. Et puis d'ici là, comme je te l'ai dit, il y a le film qui va sortir dans différents festivals, dans différents cinémas indépendants. Bravo. Donc je vais avoir quand même pas mal de boulot pour tout ça, et puis pour la promotion du film, et encore une fois pour partager cette expérience là. Donc au final c'est un bien pour un mal, quoi, le fait de que la reprise de la marche soit un petit peu décalée. Ouais. On a toujours l'opportunité d'en faire quelque chose, on va dire. Alors sur le réseau Facebook, on peut retrouver ce défi baptisé The American Hike. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est sur H-E American et plus loin H-I-K-E. Voilà, pour la randonnée américaine, en fait. Ça veut voilà, dire. C'est ça. Allez voir la page, allez liker, puis allez voir aussi ces superbes photos, vidéos que tu as faites de tout ce beau parcours, Virgile. Ouais. Voilà. Je sais que t'étais en pause, là. Tu m'as dit, on va accorder 5-6 minutes d'interview. On a dépassé un petit peu. Désolé, Virgile. J'espère que tu veux pas dépasser ton temps de pause. Pas. Non, c'est bon. C'est avec grand plaisir. Bon, au contraire. Voilà. Merci de l'invitation. Et puis, bonne fin de journée à tous ceux qui t'écoutent. Voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bah, moi aussi, ça me fait toujours plaisir de t'avoir au téléphone, Virgile. Et puis, on est fiers de te suivre. Salut Virgile, belle journée à toi. Salut, à une prochaine. Ouais, ciao. Salut mon Virgile. Et on est heureux de l'avoir, Virgile. Au hasard au téléphone avec nous, 27 000 km. Eh ouais, en 2 ans et demi pour un défi baptisé The American Hike. On a eu l'exclusivité radio et ça me fait vraiment plaisir. On l'aura en physique dès que on pourra recevoir du monde en physique dans les studios. Ça me fait plaisir. Virgile, au hasard, était notre invité. És muito mais necessária que a internet. Dois, és o presente pra minha vida. Sem ti eu já não vejo saída. Eu sou tão dependente do meu vício. Tiro os pés do chão e venho voar pra dentro do céu. Com destino ao meu cometa, baby, dá-me a tua mão. E quando a luz que brilha em frente veio para nos guiar. Com São Pedro vai fazer chover. Baby, é tudo pra valer. Tira os pés do chão e vem voar pra dentro do céu. Com destino ao meu cometa, baby, dá-me a tua mão. E quando a luz que brilha em frente venho para nos guiar. E não tenha Adhérentiel, Master Jack, Too Fry et puis beaucoup d'artistes qui se joignent à la radio pour soutenir le milieu de la nuit, notamment Kev Adams, écoutez. Évidemment, très grand soutien à tous les clubs et toutes les boîtes de nuit et toutes les discothèques, je sais pas si on utilise encore ce terme, en France. Voilà les amis, je suis tout cœur avec vous. Je sais à quel point c'est un peu injuste les mesures qu'il y a en ce moment. Quand on voit le nombre de gens dans les terrasses, dans les bars, dans les cafés, mais qui font la fête aussi dans la rue, vous devriez être autorisé à réouvrir. En tout cas, on est de tout cœur avec vous et je vous embrasse très très fort et j'espère à très bientôt dans vos clubs le plus vite possible. Sympa, Kev Adams, un petit message pour les boîtes de nuit. Voici Kenvy avec un métier sérieux. Ouais, comme animateur radio par exemple. On va être avec vous 18h42 en direct 96.2 FM. C'est mon anniversaire et je souffle ma 30e bougie. Je demande que ma mère va encore m'inventer ce coup-ci. Car l'année dernière, elle m'a posé quelques soucis. Elle se lève, porte un verre, elle s'adresse à moi et me dit: maintenant que tu es trentenaire, faudrait penser à ta carrière. Je préfère qui sera tienne pour enfin te marier. J'aimerais qu'en compagnie d'elle tu viennes danser les valses de Vienne dimanche à mes côtés. Elle me dit qu'elle serait contente enfin quand je lui annoncerai la venue d'un enfant. Change de métier car toutes les carrières qu'on défend, mais sur ce point là je me défends car la musique m'a sauvé la vie et je continuerai tant que j'en aurai envie. Il est certain que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants. Puis le monde de la nuit qui est en danger, vous savez, en ce moment, avec plein de messages d'artistes qu'on reçoit. Et Matt Pokora aussi qui nous soutient. Un petit message de soutien pour toutes les discothèques, les clubs à qui on a dit qu'ils ne pourraient pas réouvrir cet été. Une pensée pour les milliers de personnes qui travaillent autour de chaque club, de chaque organisation, de chaque soirée, etc. Voilà, personnellement, je préfère voir des clubs ouverts avec des mesures sanitaires que de voir ce que j'ai vu récemment avec des milliers de personnes dans la rue sans masque. Voilà. Et je trouve ça beaucoup plus dangereux que d'ouvrir les clubs et de laisser les gens aller faire la fête en mettant des mesures de sécurité. Voilà. Donc une grosse pensée pour toutes les personnes qui travaillent dans les clubs et voilà, j'espère qu'ils vont réouvrir très bientôt. Merci Matt Pokora, ça fait plaisir de voir les artistes qui nous soutiennent. Voici Tomber Pokora sur Adhérentiel. Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar,

dit tu voulais du show. Donc voici ce son soprano. Donc je suis là pour les frères et les sisters qui sont là pour mettre le feu sur la piste. Et mademoiselle, dis-moi pourquoi tu danses pas à ta tour. Attention maintenant. Surtout avec des mecs bien sapés. Ah bon. Tu sais bien qu'il faut pas blaguer. Ah ouais. Comment rien de la tête au pied. Okay. Mec obligé d'être stylé. Abidjan, Marseille, Padra, c'est une histoire de Dolce Vita. Yo. Ensemble pour la fiesta, chérie Coco, y'aura pas de mita. La bonne époque, c'est Magic System avec Soprano, Chéri, Coco, Francky dans la radio jusqu'à 19h. À l'ancienne, ça arrive sous la boule à facettes avec les Brothers Johnson et Stamp. After Job avec Francky l'après-midi. 1984, je sais pas si t'étais né. Peut-être pas. En tout cas, pour vous qui étiez déjà sur la planète Terre, voici les Brothers Johnson. Un tube incontournable des années disco avec les Stamp. Por ti seré, por ti seré, por ti Antena 1, 6 da tarde, 5 nos Açores. A TAP é uma empresa fundamental, diz o Presidente da República.